إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم الله على العباد كثيرة لا تحصى، وإن من نعم الله على العباد الزواج، فجعل الله سبحانه وتعالى الزواج من آياته الدالة على قدرته ورحمته وعنايته بعباده، وجعل بين الزوجين من المودة والرحمة ما لا يكون بينهما وبين غيرهما، فلا ألفة بين شخصين أعظم مما بين الزوجين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الزواج وفضله، فقال عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. رواه الطبراني والحاكم وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. حث ديننا على طلب الصلاح واعتبار الخلق والدين في أمر النكاح ورغب في ذلك. حث ديننا الحنيف على الزواج وتيسيره لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، التي أعظمها حفظ الفروج، ولما يترتب على الزواج من المصالح العظيمة أيضا من حصل النسل، وكذلك ما يترتب على الزواج من تعاون الزوجين على تكوين الأسرة. فالله تبارك وتعالى حكيم عليم في تشريعه، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى شرع الزواج وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والخيرات الكثيرة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شخص يمتعد الله، الله سبحانه وتعالى نريد في القرآن dans le sens du verset et parmi ces signes qu'il a créé de vous pour vous des épouses vers qui vous allez trouver repos. Et il a mis entre vous de la tendresse, douceur et de la clémence. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs sont nombreux. On ne peut les dénombrer. Et parmi ces bienfaits envers les serviteurs, il y a le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du mariage un de ces signes qui nous montre la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa puissance, sa clémence, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère ses serviteurs. Il a mis entre ses deux époux la tendresse, la douceur et la clémence, ce qu'on ne retrouve entre aucune autre personne. Personne n'a autant d'infinité, autant de tendresse et de douceur que ce qu'on retrouve entre les deux époux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a bien clarifié les bienfaits du mariage et son mérite lorsqu'il nous dit, alayhi salatu wa sallam, celui qu'Allah lui a fait don d'une épouse vertueuse, c'est qu'il l'a aidé à gagner la moitié, à acquérir la moitié de sa religion, qui craint Allah dans sa deuxième moitié. Apporté par Tabarani et Al-Hakim et rendu bon par Al-Albani. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, ô vous les jeunes, celui qui a la capacité physique, financière de se marier alors qu'il se marie, ceci sera plus à même de l'aider pour baisser le regard et préserver sa chasteté. Rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on se marie avec la femme pour quatre raisons. C'est l'habitude qu'ont les gens. Ce qui est connu des gens, c'est qu'il est pousse à se marier avec une femme. Il y a quatre raisons pour cela. Pour son argent, sa richesse, pour sa lignée, la famille, d'où elle vient, pour sa beauté et pour sa religion. Prends celle qui a la religion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé un terme qui est connu chez les Arabes anciens, talibat yadak, que tes mains soient plantées, soient bloquées dans de la terre, soient pleines de poussière. C'est le signe de quelqu'un qui est pauvre. Tu ne seras pas appauvri. Tu ne seras que gagnant en suivant cette recommandation. Rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque vient à vous, c'est-à-dire vous la famille, vous les tuteurs, les responsables de cette femme qui a été demandée en mariage, lorsque vient à vous celui dont vous la famille, vous les tuteurs, les responsables de cette femme, alors que vous êtes satisfait, vous êtes content de sa qualité, de cette personne qui s'est présentée d'un point de vue religieux et d'un point de vue aussi du comportement et du relationnel, alors mariez-le. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah et rendu bon par Al-Albani. Notre religion encourage à choisir les personnes dotées de vertu, ceux qui ont le bon comportement et qui sont d'une bonne religion dans le domaine du mariage. Notre religion encourage et pousse les gens au mariage et à le faciliter pour tous les biens qui en découlent et qui en résultent. Et parmi ces plus grands biens, il y a que la chasteté est préservée. C'est-à-dire les parties intimes des personnes sont préservées et ne vont pas tomber dans l'interdit. Et aussi ce qui découle de ce mariage comme grand bien aussi pour perpétuer les humains, pour qu'il y ait des naissances d'un point de vue légal et accepté dans la religion. Et aussi de ce qui découle et résulte du mariage comme entraide entre les deux époux pour fonder la famille. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le savant, celui qui sait tout, et il est le sage, celui dont la sagesse a englobé toutes choses dans sa législation. Et parmi cette sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a légiféré le mariage, l'a encouragé, l'a demandé pour tout le bien qui s'y trouve. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.